insecte vert. Souffle sur toi la mort vivante, insecte vert parmi les prés, la mort vivante tonnamente avec tes ailerons dorés, insecte vert parmi la menthe où les feuillages mordorés font pleuvoir cette mort savante en laquelle de flamme ardente et pour tout l'avenir s'invente à mesure que le ciel chante ton rêve d'or parmi les prés.